Savez-vous la nouvelle? Non. Les Français sont aux portes de la ville. Pas possible. Nous allons pouvoir sortir nos drapeaux. Et soyez encore prudente. N'ayez crainte, monsieur Clampin. On nous observe. Séparons-nous. Et quoi, mon cher duc, vous avez rendu la liberté à ce Robert? Ah, un trait de génie pour faire obéir Stella. Hein? Non, je ne comprends pas. C'est comme ça. J'ai chargé ma femme de lui dire ceci. Robert est entre nos mains. Si vous voulez le sauver, épousez le Bambini. Et elle a consenti tout de suite. Ah, ben moi qui avais rêvé un mariage d'inclination. Enfin, de quoi vous plaignez-vous? Elle vous épouse par amour. Pour un autre, ce n'est pas la même chose. Mais si, mais ça revient au même. D'ailleurs, j'ai tout arrangé. En ce moment, la duchesse habille la mariée. Car moi, j'ai déclaré que je ne voulais la voir qu'à la cérémonie. Comprenez-vous? Alors, vous allez la conduire à l'hôtel dans un instant. On doit nous attendre. Allons, venez, venez. Ah ben, ça ne fait rien. J'aurais préféré être épousé pour moi. Mais j'en passe. J'en passe. Robert, vous, ici. Oui, oui, mon vieux, on vient de me rendre ma liberté. Enfin, à condition que je quitte la ville. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ne cherchez pas. Pour vous, c'est le salut. Oh, que m'importe. Mais qu'ont-ils fait de mes camarades, de Stella? Je l'ignore. Mais partez, partez vite. Ils vont vous reprendre. Oh, non, non, non, je veux savoir. Tu entends? Mais que signifient ces cloches? À la voilà, oui, je comprends, oh la Marie, et c'est pour me sauver la vie. Arrêtez, avancez, il se perd. Vous vous trompez, je vous le jure. Eh bien, je veux voir sa figure, Claudine. Le poteau rose est découvert, le poteau rose est découvert. Que je vais lancer, passer là, que je vais lancer, passer là. Et qu'on les punisse à l'instant. Dans le monde, nous savons les défendre. Ami, merci, je dois me rendre. Vite en prison. Plus d'espoir, qu'avez-vous fait là? Mon devoir. Écoutez. Ces accents militaires. C'est le chant du départ, ah, je le reconnais. Ce sont les Français. Les Français, nos amis, nos frères, nous sommes des sauveurs, ici nous serons ces deux enfants. Volontiers. Mais Toi, tu vas te taire. Je suis ruiné, les chenapans. Nous ne serons qu'une famille. Papa, papa, mon tabac. Qui vive la fille, qui vive la fille, qui vive la fille. Qui vive la fille, qui vive la fille.